début. Je cherche un autre but. Maintenant que l'envie s'étiole et que l'ennui m'isole, je ne peux plus sourire sans visage dans la mire. Quand la fin de l'histoire est un long désespoir. Sur ma faim, maintenant que la vie.